Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et je suis très content d'être avec vous. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de jouer sur la radio de votre coin de pays et de vous faire entendre l'excellente musique francophone et instrumentale qui vient un peu partout à travers le Canada. Donc, merci bien à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones. Eh bien, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Deuxième heure, deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario qui commence avec un petit bonbon très savoureux. C'est Michel Lalonde, ex-membre de Garoulou et de La Raquette à Claquette, qui s'en vient avec un nouvel album, Comme un engin. Et il nous offre un premier extrait de ce nouvel album-là qui devrait sortir que temps au mois de septembre. C'est tout simplement la pièce Je suis fait comme ça. Je suis fait comme ça. Très bonne pièce, vous allez voir. Un peu dans le mood là, de Mémoire vive de Garoulou. Un peu le même mood, assez intéressant, merci. On va entendre aussi, parlant de Garoulou, Seul au centre-ville, repris en version jazz par Jenny René dans quelques instants également. Que je me refasse, que je m'efface, que je prenne la place du gars d'en face. Oublie-moi pas, que je cours après le bonheur parfait, que je le voyais pas quand il est juste là. Je suis faite comme ça, je suis taillée d'un seul bloc, têtu comme un rocher qui troque bien son cœur de roc pour dormir à tes pieds. Il n'y en aura jamais une autre pour me brasser entre les côtes, pour me rappeler que je suis faite comme ça, toi t'es faite. Ton cœur danse sur un fil d'argent, que tes ailes volent plus haut que le vent. Oublie-moi pas, des belles promesses font des beaux enfants. Je t'en fais juste une, c'est que je t'aime vraiment. Je suis faite comme ça, je suis taillée d'un seul bloc, têtu comme un rocher qui trotte très bien son cœur de roc pour dormir à tes pieds. Il n'y en aura jamais une autre pour me brasser entre les côtes, pour me rappeler que je suis faite comme ça et toi t'es fait pour moi. Je suis taillé d'un seul bloc, têtu comme un rocher qui trotte très bien son cœur de roc pour dormir à tes pieds. Il n'y en aura jamais une autre pour me brasser entre les côtes, pour me rappeler que je suis faite comme ça et toi t'es faite pour moi. Faites comme ça, toi t'es faite pour moi. fragile. C'est un jeu de miroir, chacun sur son île. Seul au centre-ville. Seul au centre-ville. Seul au centre-ville. Malgré tout, tout le monde est là dans son bel habit. Rentre pas ce soir. Au loin, la tempête se lève. À la dérive, je me laisse échoir. Je baisse les bras et range mon glaive. Je repasserai en mémoire. Sur mon vieux bateau qui se dresse, tout cet amour, toutes nos histoires. Je verse mes pleurs avec maladresse. Tu pourras voler comme bon te semble. Moi je naviguerai jusqu'à ce que la mer m'étrangle. Tu pourras danser et voir le monde comment il est. Les étoiles sont toutes alignées. Danse sur l'eau avec le reflet. rentre pas ce soir. Mes ancêtres sont morts sur la mer, sous sa violence, mais dans la gloire. Sans toi, que ferais-je sur ma terre? J'ai les yeux qui me brûlent. J'ai beau me fermer les paupières, mais tout comme dans la péninsule, les larmes sont salées comme la mer. Tu pourras voler comme bon te semble, et moi je naviguerai jusqu'à ce que la mer m'étrangle. Tu pourras danser. Il est. Les étoiles sont toutes alignées. Elles dansent sur l'eau avec leurs reflets. Je ne rentre pas ce soir. La tempête vient se déchaîner. Dans sa splendeur qu'elle me fait voir, mon pauvre bateau tient à peine. Ça aussi, c'est du bonbon pour les oreilles. Michel Russell, Je ne rentre pas ce soir, tiré de l'album La route sera longue. Et très très beau clip live sur scène de cette chanson-là. Sur YouTube, mais si vous allez sur ma page Facebook, CAN-ROCK, vous pouvez découvrir, voir ce clip-là. C'est vraiment merveilleux. Et du très, très, très bon country, comme il s'en fait au Québec. Michel Russell, Je ne rentre pas ce soir. Faites donc michelrussell.com. Allez voir ça, c'est vraiment magnifique. On est rendu à notre bloc instrumental, et là, ce qui est magnifique, c'est que je vais jouer une longue pièce qui est fort intéressante. C'est la pièce titre de l'album de Sparrow Jones, la pièce Shock Value. Et sur les médias sociaux, je suis tombé sur une photo assez intéressante de Daniel Acasse, batteur, et Donald Prince, bassiste. Allez voir ça, ça vaut la peine. On les écoute avec Shock Value, après quoi ce sera Laurent Roy et Tôt ou tard. Thank you.